pas. Oh. C'est où le départ? C'était une compo. Je le fais en japonais. Something champagne, so we can make it some fine. Something fine, so we can. Touche pas. Ah bon? Je monte le clavier? Je monte un peu. C'est dur le départ. Thank you. Est-ce que tu l'as trouvé? T'as pas la batterie? Ça part vite. 1, 2, 3, 4. Non, raté. Non, c'est pas ça. We'll be right back.